les poteaux, tu sais, j'm'en bats les yeux. Bang bang. Elle veut plus me répondre au tel, mais j'm'en bats les yeux. Bang bang. Hier j'étais dans la merde, aujourd'hui la presse. J'ai pas changé d'amis, j'ai pas changé d'adresse. Tous les rappeurs de ton label, j'les ai mis KO. M'envole pour faire des tubes un peu comme Manu Chao. Qu'est-ce qui m'arrive, mon frère? J'ai très bien qu'elle surveille mon tel. À part elle, je le vois son père. Mais j'ai pas l'accord de son père, non. J'rallume mon tahéo. Cavale dans ma vie, non, je n'ai pas qu'elle dans la vie. J'galère toute la nuit et je ne vois pas de coup de fil. J'retourne à ma zig, non, je n'ai pas qu'elle dans la vie, non. J'dois faire des love pour mama. Cavale dans ma vie, non, je n'ai pas qu'elle dans la vie. J'galère toute la nuit et je ne vois pas de coup de fil. J'retourne à ma zig, non, je n'ai pas qu'elle dans la vie, non. J'dois faire des love pour mama. Ça fait longtemps qu'on se connaît. J'sors pas en boîte de nuit. Et tout ce que je t'ai pas donné, tu le trouveras peut-être chez lui. Qu'est-ce que tu vas faire? À qui tu veux plaire? Si on se fait la guerre, tu passeras du rire aux pleurs. Tu customises ton corps de rêve, mademoiselle, je me nique BCF. Je me lève avec le rêve, j'ai pas toujours la pêche. Je veux faire des tubes à la Billie Jean. Billie, Billie, Billie, bang, bang. Je sais pas ce qu'elle t'a dit, mon frère. Elle t'a fait perdre kilo d'air. Tu croyais que tu l'as piloté, non? Garde le mental, mon gros. Cavale dans ma vie, non, je n'ai pas qu'elle dans la vie. J'galère toute la nuit et je ne vois pas de coup de fil. J'retourne à ma zig, non, je n'ai pas qu'elle dans la vie, non. J'dois faire des love pour mama. Cavale dans ma vie, non, je n'ai pas qu'elle dans la vie. J'galère toute la nuit et je ne vois pas de coup de fil. J'retourne à ma zig, non, je n'ai pas qu'elle dans la vie, non. J'dois faire des love pour mama. Cavale dans la ville, dois faire des love pour maman.